إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes donc toujours dans la série de cours en guise d'explication des trois fondements de Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, explication faite par Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah ta'ala. Et on est arrivé à قال المصنف رحمه الله دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Donc l'auteur, qu'à la lui miséricorde, et c'est évidemment Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, dit: et la preuve de la prière et de la zakat est l'explication du tawhid, de l'unicité, et la traduction du sens de la parole d'Allah. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Et voilà la religion de droiture. C'est donc la traduction approximative du sens de Surat Al-Bayyinah, verset 5. L'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah, qu'Allah le préserve, « Al-Sharh, هذه الآية تضمنت ثلاثة أمور الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد فدليل الصلاة ويقيم الصلاة ودليل الزكاة ويؤت الزكاة أي يؤدونها والثالثة تفسير التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو تفسير التوحيد، فإخلاص الدين لله هو التوحيد نفسه. قال فيها حنفاء وهو جمع حنيف، ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء المذكورة في الآية هي دين القيمة، أي الملة القويمة التي لا عوج فيها ولا نقص، وذلك دين القيمة أي ذلك المأمور به في الآية. وهنا سؤال: ما وجه النص أو التخصيص على الصلاة والزكاة من بين سائر العبادات العملية، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة ثم الزكاة؟ Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Ubayd al-Jabiri en guise d'explication de ce passage du matn? Il dit, hafidahullah ta'ala, ce verset comprend trois choses: la prière, la zakat et l'explication du tawhid, de l'unicité. La preuve de la prière, c'est d'accomplir la prière. La preuve de la zakat est de s'acquitter de la zakat. Et la troisième, c'est l'explication de l'unicité. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Ceci est l'explication de l'unicité. Vouer un culte exclusif, sincère à Allah. C'est cela l'unicité, c'est l'unicité elle-même. Il a dit dans le verset Hunafa, c'est-à-dire le pluriel de Hanif. On avait vu dans un des cours précédents que le Hanif, ça venait de Al-Hanf, ou huwa al-mail, comme on avait dit. D'accord ? Ala kulli hal, on a dit que c'est le pluriel de Hanif, Hunafa. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a informé que ces choses citées dans le verset, c'est la religion de droiture, c'est-à-dire la religion droite dans laquelle il n'y a aucune distorsion, ni de diminution. Et voilà la religion de droiture, c'est-à-dire c'est ce qui a été commandé dans le verset. Une question se pose, c'est Obed qui parle, une question se pose: pourquoi la prière et la zakat ont été spécifiées parmi toutes les actes d'adoration dans ce verset? Qu'est-ce que vous dites? Je répète la question. Pourquoi la prière et la zakat, parmi tous les actes d'adoration, pourquoi ils ont été spécifiés dans ce verset? Le plus important, après les deux shahadas. C'est ce que dit le cheikh ici, c'est une réponse juste. Il dit, car ce sont les piliers de l'islam les plus importants après les deux attestations. La prière, puis la zakat. Continue, inshallah. قال المصنف رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة. Donc l'auteur c'est Cheikh Mohamed bin Abdelwahab évidemment رحمه الله تعالى. Il dit et la preuve du صيام du jeûne, ô les croyants, on vous a prescrit à الصيام le jeûne, hein, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et c'est la traduction du sens de Surat al-Baqarah, verset 183. Maintenant, dans l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri de ce passage-là, habdahullah ta'ala, il dit As-siyamu ma'nahu fil lughah al-imsak sama'ani shay amsaka minhu anhu afwan wa fi shar' wa imsaku bi niyatin an shahwatay al-batn wal farj min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams. والصيام المنصوص عليه في الآية هو صيام رمضان وقد بينه في قوله بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه سورة البقرة. Donc Cheikh Ubayd al-Jabiri nous dit par rapport à ce passage là du matin, il dit حفظه الله تعالى, le siyam a pour sens dans la langue arabe, donc c'est ce qu'on a dit ici, c'est le ma'na al-lughawi. On avait toujours qu'un ma'na lughawi, un ma'na shara'i, ou bien dans les silah des ulama. Il dit ici, c'est quoi? C'est le sens linguistique, dans la linguistique, dans la langue arabe. Il dit, il a pour sens dans la langue arabe, al-imsak. Retenez ça, c'est des notions à étudier par cœur. Al-siyam al-imsak, c'est très facile. Hein? Un mot pour un mot. Al-siyam ou al-imsak. C'est-à-dire l'abstinence. Sam anishay, il s'est abstenu de la chose. D'accord? Il dit, Cheikh, dans la législation islamique, c'est s'abstenir avec une intention des deux désirs. Hein, il a dit, min shahwatayi al-batni wal-farj. Il a dit, c'est s'abstenir avec une intention des deux désirs du ventre et du sexe. De l'aube au coucher du soleil. Le jeûne, hein, on parle ici du jeûne avec accent circonflexe, qui est le siyam. Le jeûne, le fait de jeûner, qui est cité dans le verset, est le jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala l'a d'ailleurs mis en évidence dans les versets qui suivent, hein, dont la traduction du sens est le mois du Ramadan, Shahru Ramadan. Hein, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne. Surat Al-Baqarah, verset 185. Cheikh continue, il donne shurut. Il donne les shurut de ce qu'on appelle shurut al-siyam, ou bien shurut plutôt wujub al-siyam. Et il dit, Cheikh, hafidahullah ta'ala, wa shurut wujub al-siyam hi awwalan al-taklif, wa yishmalu al-bulugha wal-aql. Thaniyan al-iqama. Thalithan al-salamatu min al-amradi al-mubihati lil-fitr. Rabi'an, dukhul shahri ramadana bil-bayyina. وهي رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. C'est un hadith qu'on appelle comment متفق عليه parce qu'il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Yani على كل حسب الاصطلاح ده la majorité des savants sauf comme on avait dit qui le Majd ibn Taymiyyah il a dit que متفق عليه ça veut dire Bukhari wa Muslim wa Ahmed. نعم. On rapporte d'abord les conditions ici. Les conditions de l'obligation de jeûner sont les suivantes. La première, c'est at-taklif. On avait déjà vu ce mot-là, mukallaf, taklif, c'est la même chose. Hein? Taklif, qui comprend la puberté et la raison. Deuxième condition, c'est la résidence. Donc, c'est les conditions de quoi? De l'obligation du jeûne. Hein? Première, je répète, at-taklif, qui comprend la puberté et la raison. Tout ça, c'est des notions qu'on peut étudier par cœur facilement. Hein, shurut al-siyam, l'oula, ou plutôt le shart l'awwal, التكليف ويشمل البلوغ والعقل. سي فاسيل. ثانيا الاقامه لا ريزيدنس داكور. ثالثا ثالثيام كونديسيون لابسونس دو مالادي كي اوتوريز دو رومبر لو جون. السلامه من الامراض المبيحه للفطر. يدي كاتريام كونديسيون لونتري دون لو موا دو رمضان افيك اون بروف بالبينه. Et c'est quoi cette preuve? C'est la vision de la nouvelle lune, ce qu'on appelle le Hilal, ou la fin du mois de Sha'ban, par le fait qu'il soit de combien de jours? De 30 jours. Est-ce que c'est possible qu'il soit plus que de 30 jours, un mois lunaire? Donc on sait d'office que c'est 30 jours, que le lendemain c'est quoi? Le premier de Ramadan. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est évidemment une traduction approximative du sens du hadith, jeûner à sa vision, donc c'est un verbe impératif, jeûner à sa vision et romper le jeûne à sa vision. S'il se cache, Rabbi alaykum, s'il est caché, s'il se cache à vous, terminez le mois de Sha'ban en terminant 30 jours. Et c'est comme je vous ai dit, une traduction approximative du hadith rapporté par Al-Bukhari. Je vous donne la référence. 1909, et Muslim 2496. Cheikh, il continue, et ça c'est un point important aussi. Il dit « وَتَزِيدُ المرأة شرطا واحدا وهو الطهارة من الحيض والنفاس ويحرم عليها صيام رمضان ولكن تصومه قضاء. D'accord? Donc ça c'est les conditions qu'on appelle quoi pour les deux, pour l'homme et la femme. Et après il y a quoi, une condition en plus pour la femme? C'est quoi? Cheikh il dit, la femme a une condition en plus, c'est qu'elle soit pure de ses règles et des lochis, ce qu'on appelle nifas. On avait déjà expliqué dans un cours c'était quoi le louchi, notamment qu'on a fait shurut salah. D'accord? C'est, en résumé, c'est ce que le sang qu'ont les femmes après l'accouchement. Nifas. Sinon, il lui est interdit de jeûner Ramadan. Mais elle doit remettre les jours après. Ce qu'on appelle comment? On a dit quoi? Al-qada. Ce qu'on appelle al-qada. Cheikh continue, hafidhahullah ta'ala, et il dit قوله تعالى لعلكم تتقون كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة والحديث كذلك متفق عليه أي وقاية من شهوة النفس وكذلك وقاية للسان للسان من الرفث. قال صلى الله عليه وسلم افكسبيكي سو كرافات ابخ ان شاء الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فان ذلك احصانوا افكساد احصانوا للفرج واغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. هذا حديث également متفق عليه. Je termine d'abord ce point là et après on va rapporter un point important sur dans la linguistique au niveau du hadith, et on va rentrer un peu dans quelques chourouhs de Sahih Muslim, inshallah. ولا يجب غير صيام رمضان إلا ما كان نذرا أو كفارة أو بدل عن دم متعة أو قران أو فدية أذى. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Abel Jabiri, حفظه الله تعالى? Il nous dit que la traduction du sens de la parole d'Allah, atteindrez-vous la piété, comme le prophète sallam l'a dit, الصيام جنة, le jeûne est une protection. Et c'est la partie d'un hadith rapporté par Al-Bukhari, je vous donne la référence, 1894-1894, et Muslim 2699-2699. C'est-à-dire que le jeûne, avec un accent circonflexe qu'on a dit, le fait de jeûner, est une protection contre les désirs du nefs. Et une protection pour la langue contre Ar-Rafath. Alors, on va rentrer un peu dans Sahih Muslim de Cheikh Al-Ethiopie, Hafidhahullah Ta'ala. Il dit qu'Allah le préserve dans cette explication de Sunan Nasa'i, volume 23, pour les frères qui l'ont, page 315. Il rapporte de Al-Azhari. Il dit « Al-Rafathu ismun jami'un li kulli ma yuridu al-rajulu min al-mar'a. » Ismun jami'un. C'est-à-dire un nom générique pour tout ce que l'homme veut de la femme. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, disait que c'était spécifique à ce qui était dit aux femmes. Ma yukhatabu bihin nisa. Et Cheikh l'Éthiopie continue, il dit, hafidhahullah ta'ala, wa yutlaqu ala al-fuhshi min al-qawli. D'accord ? Il est utilisé pour la turpitude dans la parole. D'accord ? Le messager d'Allah a dit, ô vous les jeunes, ya ma'ashar al-shabab, on va voir qu'est-ce que ça veut dire ma'ashar, on va voir qu'est-ce que ça veut dire shabab aussi, incha'Allah. Ô vous les jeunes, que celui qui a la capacité d'al-ba'a, al-ba'a, je laisse comme ça jusqu'à ce qu'on explique ce que c'est, incha'Allah, al-ba'a, qu'il se marie car ceci est meilleur pour la chasteté. Ahsanu, hein? Ahsanu, avec sad. Ahsanu, lil farji, pour la chasteté, est meilleur pour baisser le regard. Wa aghaddu lil basar. Et que celui qui n'en ait pas les moyens, qu'il jeûne, car cela est pour lui un wija. Et on va voir c'est quoi wija. Alors ici, évidemment, comme j'ai dit, pourquoi je n'ai pas traduit ça directement dans le hadith? Parce qu'il y a quelques points dans la langue arabe concernant ce hadith. Hein? On va voir qu'est-ce que l'imam Nawawi, rahimahullah, il a dit dans son charh de Sahih Muslim, Al-Minhaj, bi-charhi Sahih Muslim, Ibn al-Hajjaj. Il a dit, Ya ma'ashara shabab. Donc, premier point, c'est sur le fait de dire Ya ma'ashara. Qu'est-ce que ça veut dire Ya ma'ashara dans la langue arabe? D'accord? Il dit, Cheikh Al-Imam Nawawi, rahimahullah, il dit, Qala ahlul lugha, les gens de la langue arabe ont dit, Al-ma'ashar, hum ta'ifatu al-ladina, yashmaluhum wasfun. Hein? Fashababu ma'ashar, wa shuyuhu ma'asharun, wa l'anbiya'u ma'asharun, wa nisa'u ma'asharun. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Al-ma'ashar, c'est un groupe de gens. Hein? C'est un groupe, tenez ces définitions, c'est important. C'est un groupe de gens qui sont réunis par un wasf, par une même caractéristique. Et il donne des exemples, cher. Quand par exemple les jeunes, hein, les jeunes, c'est pour ça qu'il a dit ma'ashar al-shabab, les jeunes, ils sont réunis, ils sont un ma'ashar, ils sont réunis par un wasf. C'est quoi le wasf qui les réunit? C'est qu'ils sont jeunes. D'accord? Les vieux sont un ma'ashar, shuyur. Pourquoi? C'est quoi le wasf qui les réunit? C'est quoi? Shikhoukha, c'est la vieillesse. Les prophètes, alayhi salatu salam, sont un ma'ashar. Ce qui les réunit, c'est quoi? Al-Nubuwa, la prophétie. Les femmes sont un ma'ashar. C'est quoi le wasf qui les réunit? Hein? C'est le fait que ce sont des femmes. Hein? D'accord? Deuxième point dans la langue arabe, c'est le mot shabab. Al-shabab. Al-shabab, c'est quoi dans la langue arabe? C'est le pluriel de shab. Hein? C'est le pluriel de shabun. Hein? Un jeune. Quelqu'un de jeune. Il y a deux pluriels. Il a dit, Cheikh l'imam Nawawi rahimahullah, il a dit, yujma'u ala shababun wa shababah. Shababun wa shababah. Donc il y a deux pluriels pour le mot shabun. Il y a shababun, comme dans le hadith, il y a ma'ashar al-shabab, et il y a shababatun. C'est deux pluriels différents pour le mot shab. Et Cheikh l'imam Nawawi dit que les jeunes, que les jeunes sont chez ashab, inda ashabina. Sont ceux qui ont atteint l'âge de puberté, mais n'ont pas atteint ou dépassé l'âge de 30 ans. D'accord? Je ne sais pas. Hein? Les jeunes, c'est qui? C'est ceux qui ont atteint l'âge de puberté. Donc, si tu veux que je dise ça dans des mots différents, c'est qu'ils sont entre l'âge de puberté et les 30 ans. D'accord? C'est ça qui est considéré comme un jeune. Troisième point dans la langue arabe ici, c'est ce qu'on a dit al-ba'a. Al-ba'a. L'imam Nawawi rahimahullah a dit que la vie le plus fort c'est al-ba'a, c'est le jima', al-jima', c'est-à-dire les relations sexuelles, d'accord? Al-jima', wija', quatrième point dans la langue arabe ici, fa'innahu lahu wija', l'imam Nawawi rahimahullah a dit, c'est-à-dire que le jeûne, le fait de jeûner, ici on parle du fait de jeûner, siyam, hein, coupe ses désirs. Il a dit, al-murad huna anna as-sawma yaqta'u shahwatahu. D'accord? Cheikh Ubaid, on finit là-dessus, en tout cas pour cette partie-là, et après on va rentrer dans un autre chapitre, Inch'Allah. Cheikh Ubaid continue en disant, Hafidhahullah Ta'ala, il n'est pas obligatoire de jeûner autre que le mois de Ramadan. Mais regardez, al-diqat al-ulama, il ne s'est pas tué. Il a dit, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Illa. Il a dit, sauf. Il a dit, il n'est pas obligatoire de jeûner autre que le mois de Ramadan, sauf un nadr. On a vu, c'était quoi un nadr? Qui sait dire c'est quoi le nadr dans l'ugha ou l'istilah? Barakallah, d'abord dans l'ugha, s'il te plaît. C'est juste ce que tu dis d'abord dans l'ugha. غزيت أجب اللي ظن أيوة بخسن En fait, traduire ça par vœu, en français, c'est plus vœu que promesse. Parce que c'est une notion de vœu et une notion de. Mais tu vois, c'est dangereux de traduire ça comme ça. On traduit ça, c'est comme je vous dis. Vous voyez, la traduction, c'est dangereux, je vous l'ai toujours dit. Hein? C'est dangereux. Il n'y a pas de secret. Celui qui croit qu'il va se faire de drôle, il se trompe. Il se trompe. Masha'Allah, celui qui a fait ça, il peut être content qu'il étudie le matn et qu'il étudie le fawa'id. On a dit, il zamu al-mukallafi nafsahu bifi'li ta'atin lam tajib alihi bi asli shara'i. C'est le fait qu'un mukallaf s'oblige à lui-même, quoi? Une adoration qui, à la base, c'est important de dire ça à la base, n'est pas obligatoire dans la législation islamique. Mais par le fait qu'il a fait le nadr, comment ça devient pour lui? Ça devient obligatoire. On avait dit ça. Retenez cette définition et crois dans le. Wallah, tu l'as mort une fois dans ta vie, ça te prend deux secondes à mémoriser. Hein? Pour ceux qui ont facile à mémoriser, ce que je vois des regards. Et nous apprends ce que ça te prend comme temps pour mémoriser. À le coup, les hal, tu mémorises et ça reste une fois pour la vie, Inch'Allah. Ça, c'est des notions à avoir. Nadr, une fois que n'importe qui dans le fiqh, dans l'aqida, tu entends nadr, tu sais c'est quoi nadr, et tu l'as mémorisé. Hein? Et il dit, Cheikh, il dit, donc quoi, sauf un nadr ou une kafara. On a vu c'est quoi le kafara, les différentes manières de faire le kafara. Quand on a parlé du nadr, justement. Hein? Ou en remplacement de ce qu'on appelle du sang de la mut'a ou du qiran ou fidyat ou adha. Alors que les hal, moi je ne rentre pas là-dedans parce qu'on a déjà un chapitre après où on va devoir faire un peu tasser dans le fiqh. Alors que les hal, pour les tullab ilm, ceux qui veulent stafed, ils peuvent retourner au livre de fiqh dans tout ce qui concerne le pèlerinage et le fidyat, etc. Et on continue directement en disant قال المصنف رحمه الله ودليل حج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة آل عمران. Donc Cheikh Mohamed Al-Wahhab, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: et la preuve du pèlerinage, du hajj, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Et c'est donc la traduction du sens du verset 97-97 de Sourate Ali Imran. Qu'est-ce que Cheikh Obed al-Jabiri nous dit par rapport à ça? Il dit, Hafidahullah, al-hajju lughatan, al-qasd. Ça mémorise aussi, inshallah. Wa istilahan, qasdul bayti al-haram, fi waqtin makhsous, l'amalin makhsous, ala hay'atin makhsousa. Regardez, subhanallah, comment les ulama nous donnent des tarifs, des définitions courtes, facile à retenir et qui regroupe tout ce que tu dois savoir. Fajazahumullah ani sarahatan akhir al-jaza pour ce qu'ils font. Et ça, nous, notre travail à nous, en tout cas en tant que tullab al-ilm, inshallah, c'est de quoi? C'est juste de mémoriser ça, de comprendre, mémoriser. Regardez comment c'est résumé. Qasdul bayt al-haram fi waqt al-makhsous li'amal al-makhsous ala hay'at al-makhsous. Tu te demandes c'est quoi le hajj? Tu dis voilà, c'est ça le hajj. Waqt al-makhsous ashhar al-hajj al-ma'rufa. لعمل مخصوص وهو الأركان المعروفة على هيئة مخصوصة منها الإحرام. On va déjà pouvoir traduire ça et après on continue, Inch'Allah. Le hajj dans la langue arabe est al-qasd. On peut traduire ça par l'intention. D'accord? Et dans le jargon de la législation islamique, je rappelle que le mot jargon en français, ça désigne un langage spécial employé pour une catégorie de personnes. Donc on parle du jargon des ulama, c'est-à-dire l'istilah, le jargon. C'est-à-dire le vocabulaire qu'utilisent les ulama du shara. Donc c'est quoi dans leur langage à eux? D'accord? C'est dans le langage de la législation islamique, si vous voulez. Eh bien, le hajj, c'est le qasd de la maison sacrée à un temps précis pour des actions précises d'une manière particulière ou précise, si tu veux. D'accord? Ok? Le temps particulier, c'est quoi? Il a dit. Ce sont les mois du hajj qui sont connus. Les actions particulières, ce sont les piliers connus. D'accord? D'une manière particulière, il déchire notamment les ihram, la sacralisation. Cheikh, il continue, والحج واجب كسائر أركان الإسلام واجب بالكتاب والسنة والإجماع وأصح القولين أنه على الفور في أول زمن الإمكان. Encore une fois, tout ça, ça prouve que quoi, comme je vous l'ai dit toujours, que les sciences, elles sont liées les unes aux autres. C'est un cours de quoi aujourd'hui? Le fiqh, c'était hier. Hein? Souvent, on rentre dans l'aqidah d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est un cours de quoi aujourd'hui? C'est un cours d'aqidah, on rentre dans la langue arabe, on rentre dans le fiqh, on rentre. Hein? Les cours, c'est pour ça qu'il faut avoir des bases dans toutes les sciences, pour comprendre. Hein? Ici, il dit, le cheikh, il dit, le pèlerinage est obligatoire comme tous les autres piliers de l'islam. Obligatoire par le Coran et la sunna et l'ijma, l'unanimité des savants, d'accord? L'ijma, il a dit le cheikh ici. Et le plus fort des deux avis est qu'il est obligatoire directement au début du temps où c'est possible. Al fawz, directement. Hein? Et le cheikh, il parle après de quoi? De ce qu'on appelle shurut al-hajj. Et il dit, wa shurut al-hajj, awalan al-islam. Wa thani, ou thaniyan, التكليف encore une fois hein? الثالث الحرية الرابع الاستطاعة استطاعة السبيل واستطاعة في البدن وفي المال وفي الطريق هذه مشتركة وتزيد المرأة شرطا هو وجود محرمها أو زوجها. Après, on va voir c'est quoi le mahram, et c'est là qu'on va devoir un peu rentrer plus dans le fiqh, parce qu'on va devoir discuter un peu de c'est quoi le mahram, etc. Alors, on rapporte déjà ça. Les conditions du pèlerinage sont, premièrement, et ça vous notez, Inch'Allah, l'islam. Deuxième condition, at-taklif. Troisième condition, c'est être libre, ce qu'on appelle hurriya, qu'il soit hur, qu'il soit libre. Quatrième condition, il a dit cher quoi? Elle est à la capacité. On peut traduire ça par la capacité. Il a dit dans le sabil, du corps al badan, de l'argent al mal et tariq la route. Celles-ci sont communes à l'homme et à la femme. Donc ici, ce sont des conditions qui sont communes à l'homme et à la femme. Maintenant, il y a une condition en plus pour la femme. D'accord? Il dit qu'il y a une condition supplémentaire pour la femme. Il dit la présence de son mahram ou de son époux, de son mari. Alors maintenant, on doit définir évidemment c'est quoi? Qui? Al-Mahram, évidemment. Hein? Et ça, Inch'Allah, je pense que ça va être une discussion intéressante parce que souvent la question elle revient. C'est qui le Mahram, le voyage, le pèlerinage, etc. Dans nos familles, etc. Hein? D'accord? Et Cheikh, il dit Al-Mahramu man tahrumu alayhi mu'abbadan. Écoutez bien ça. Bisababin, binasabin afwan, ou bisababin mubah. Je dis encore une fois, dikka la précision de mes chers. Retenez cette définition-là. Al-mahram, man tahrumu alayhi abadan binasabin. On commence par nasabin, Allah. Yani binasabin ou bisababin mubah. Hein? On va voir ce que ça veut dire, Inch'Allah. On lit d'abord ce qu'il dit le cheikh en arabe. Al-nasab, kal-ubuwa, wa al-banuwa, al-bunuwa, wal-ukhuwa, wal-umuma, wabnu akhiha, wabnu ukhtiha, وخالها وعمها والسبب كالمصاهرة وضغط كل مصاهرة مثل زوج بنتها وابن زوجها من غيرها أو ولدها من الرضاعة أو ابن أختها من الرضاعة أو ابن أخيها من الرضاعة أو ابن بنتها من الرضاعة وعلى هذا. Hein, écoutez bien cette question pour les frères arabophones. Wa ala hada, hal tahujj al mar'a ma'a man la'anaha? Ta'rifouna al mula'ana? Cheikh il dit, hein? C'est quoi le mula'ana? Ça c'est un bab dans le fiqh, il faut connaître aussi inshallah. On va rentrer là-dedans inshallah aujourd'hui. Cheikh ala kulli hal il dit, al mula'anatu huwa ayman bayna az-zawjayn fi hal at-tuhmati fi az-zina. Yufraqu baynahu wa baynaha. Si je ne sais pas, vous avez Beynahou et Beynahou, hein? Hein? Je pense que c'est Beynahou et Beynaha. Beynahou et Beynaha, bimoujibiha. Fala tahujjul mar'a ma'amman la'anaha, wa in kanat muharramatun alihi ala ta'bid. Lian sababa ghira mubah, fia muharramatun alihi ala ta'bid. Alors, on va d'abord rentrer peut-être avant de terminer pour que ce soit un peu plus clair, même pour les frères arabophones. Et on va peut-être traduire aussi pour les frères qui ne comprennent pas tout à fait la langue arabe. Ala kulli hal, il dit, cheikh, il dit, al-mahram, retenez cette définition-là, c'est celui qui lui est définitivement, on parle de mahram de la femme évidemment ici, celui qui lui est définitivement quoi? Interdit. Illicite au mariage par un lien familial, généalogie, nasab, lien familial, lien de parenté, on va voir c'est quoi après, Inch'Allah, ou une raison licite. Et Cheikh, regardez, il est précis, on va voir pourquoi après. Il a dit, sababul mubah. Il dit le lien familial, il fait le tafsir maintenant. Le lien familial, il dit, un nasab, comme par exemple le père. Le père d'une femme, c'est son mahram. Le fils, le frère, l'oncle paternel, ce qu'on appelle en arabe l'am. Le fils de son frère, c'est ce qu'on appelle en français le neveu. Non? Le fils de sa sœur, ce qu'on appelle en français aussi le neveu. Et ce qu'on appelle en arabe al-khal, l'oncle maternel, l'oncle du côté de la mère. Tout cela, c'est quoi? C'est des maharim pour elle. Par quoi? Par quelle raison? Par nasab, par lien de parenté. Hein? Retenez ça. D'accord? J'ai pas vu la différence. Peut-être qu'il a recité après. Un moment, moi, ce que j'ai compris, c'est l'âme aussi. Hein? Comme il a dit, c'est peut-être qu'il a dit en fait le nom de la relation et après il a dit le nom de la personne qui est reliée à toi. Tu vois? Obouwa, c'est le nom de la relation. El Ab, c'est le nom de la personne qui est liée à toi par le Obouwa. Tu vois? Wallah alam, c'est ce que j'ai compris moi. C'est pour ça que je l'ai laissé comme ça en arabe dans le texte. D'accord? Hein? Parce que je connais pas un mot en français qui on dit pas l'oncalité ou la hajar. Hein? On dit la paternité, mais hein? Si quelqu'un il a une faïda pour moi en langue française, allez, tafadhal. Moi je connais pas de mots à ce niveau-là. D'accord? Hein? D'accord? On continue. En sachant qu'il n'y a pas de questions dans le cours. Hein? Elle ne s'est fait avoir là. À la kulli hal, maintenant la raison, et ça je vais vous demander un peu de vous concentrer. C'est pas difficile, il faut juste concentrer un peu, bidillah, et on va comprendre, et c'est important de savoir ça. La raison licite, il dit sabab al-mubah. Comme la parenté par alliance, ce qu'on appelle en arabe al-musahara, comme le mari de sa fille. D'accord? Une femme par exemple, elle a une fille. Elle est mariée avec un homme, évidemment. Comment on appelle cette relation en français? C'est donc son beau-fils. Eh bien, c'est un mahram pour elle. D'accord? Hein? Vous savez, c'est son mahram. Pourquoi? Hein? Oh, ça, on sait, mais pourquoi? Elle est pourquoi? Qu'est-ce... Pas? Hein? Parce qu'il n'a pas le droit d'épouser la mère après. Hein? D'accord? J'ai dit le mari de sa fille, c'est juste. Hein? Le fils de son mari. Vous suivez un peu? Donc elle est mariée avec un homme qui a eu un fils. Hein? C'est pour ça qu'on dit le fils. C'est pour ça que Cheikh a dit le fils. Le fils de son mari d'un autre mariage. Donc lui, il a eu un fils d'un autre mariage. Elle s'est mariée avec lui. Pas le fils, avec lui, le père. Hein? Hein? Faut être clair. Hein? Faut pas s'emmêler les pinceaux. Hein? Il faut être clair. Allez, donc elle s'est mariée avec un homme, il avait un fils avant. Par le fait qu'elle s'est mariée avec le père, eh bien qu'est-ce qui se passe? Le fils devient un mahram. D'accord? Son fils par allaitement, ça c'est déjà un peu plus connu. D'accord? Il faudrait peut-être un jour qu'on consacre un cours, c'est à partir de quand? C'est quoi l'allaitement? Hein? Le fils de sa sœur par allaitement. Le fils. Donc la femme, elle a une sœur. Et cette sœur-là, elle a un fils par allaitement. Hein? D'accord? Hein? Ça, en fait, c'est comme si ça devenait son neveu, mais son père. Hein? Je répète, elle a une sœur. Cheikh, il a dit, le fils de sa sœur. Hein? Et encore, on n'est pas rentré dans le faraïd. Hein? Dans les héritages. Sont le fils de sa sœur par allaitement. D'accord? Donc, elle a une sœur. Hein? Et on va le rapporter après. On verra après. D'abord, il a dit le fils de son frère par allaitement et le fils de sa fille par allaitement. C'est ça, il a dit les deux, il n'a pas dit le fils de sa sœur. Moi, je vois les trois. Hein. Moi, je vois les trois. Hein. Écoute, Jumu'a, écoute. Jumu'a, barakallahu fik. Écoute, écoute. Le fils de sa sœur par allaitement, c'est clair. Le fils de sa sœur par allaitement. C'est pas le vrai fils, c'est pas le fils de sa sœur, il est devenu son fils par allaitement. Ben lui, il devient mahram pour elle. D'accord? C'est clair, hein? Il y a une femme, elle a une sœur. D'accord? Tu me suis là. Il n'y a rien de compliqué. Cette sœur-là, elle a allaité un enfant. Il devient donc son fils par allaitement. Donc c'est la tante là. Hein? D'accord? Celle qui devient la tante par ça, si tu veux, c'est entre guillemets. Hein? Eh bien, elle, ça devient mahram pour elle ou pas? Le fils de son frère par allaitement. D'accord? C'est clair. Le fils de sa fille par allaitement. Hein? On avait dit, je vais revenir à ma base, il n'y a pas de question pendant le cours, tu vois? Hein? Évidemment que le frère, il n'allait pas. Tu vois ce que je... Tu comprends? Hein? Bien sûr. Hein? Le fils de sa femme, hein? Le fils de sa fille, pardon, par allaitement. Le fils de sa fille par allaitement. D'accord? Hein? Je rappelle qu'on parle de din. Hein? Le fils de sa fille par allaitement. D'accord? Cheikh, il dit, en sachant cela, et il pose une question, hein? La femme peut-elle faire le pèlerinage en compagnie de celui qu'on appelle en arabe? Hein? Et ça, c'est un point qui est lourd dans la religion et qui n'est pas. Hein? Et Cheikh dit, connaissez-vous c'est quoi le moula'ana? Hein? Donc on va parler un peu de c'est quoi le moula'ana. Hein? Et le Cheikh dit, ce sont des serments, on appelle ça ayman, le fait de jurer, entre les deux époux dans la situation où il y a une accusation d'adultère. L'adultère, c'est quoi? Hein? C'est d'avoir une relation extra-conjugale. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, le mari, il accuse sa femme. Hein? Et il dit, cher, les deux époux doivent être alors séparés. Hein? Et on va rentrer un peu dans le fiqh là-dedans parce que je pense que c'est un point qui nécessite d'être clarifié. D'accord? Alors, j'ai été vous chercher l'explication de Bulugh al-Maram par Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala, le grand savant. Il dit dans son explication, Tawdih al-Ahkam, volume 5, page 540 et suivante, il dit حكمه التشريعيه, quand il parle de quoi, de al-li'an, hein, je vais traduire après. الاصل انه من قذف محصنا بالزنا قذفا صريحا فعليه اقامه البينه وهي اربعه شهود فان لم ياتي بهؤلاء الشهود فعليه ماذا حد القذف. C'est quoi le قذف? Pour les frères qui ont étudié un peu sur la Nour, ça doit être une notion qui est déjà un peu connue. Première page. Comme قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. سورة النور verset 4. واستثنى من هذا العموم إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه إقامة البينة أربعة شهود على دعوة. فإن لم يكن لديه أربعة شهود فيدرأ عنه حد القذف أن يحلف أربع مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا وفي الخامسة كالله نزبخ زغتوس إخوة الله سين مسألة خلوغة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. وذلك أن الرجل إذا رأى الفاحشة في زوجه فلا يتمكن من السكوت. كما سيقول الحديث دي باب سيدة جتبه صحيح مسلم. كما لو رآه من الأجنبية لأن هذا عار عليه أكم سلم وفضيحة له وانتهاك لحرمته ولا يقدم على قذف زوجته إلا من تحقق لأنه لن يقدم على هذا إلا بدافع من الغيرة الشديدة إذ إن العار واقع عليهما فيكون هذا مقويا لصحة دعواه. traduire ça et après on continue, inshallah. La sagesse de la législation islamique concernant al-li'an, c'est qu'à la base, celui qui accuse quelqu'un de chaste, quelqu'un qui est chaste, il accuse de fornication, de manière claire, se doit de procurer la preuve. Et c'est quoi la preuve? 4 témoins. S'il n'apporte pas ces témoins, il doit être puni de ce qu'on appelle had al-qadf, puni de la sentence de la fausse accusation. Et c'est quoi? 80 coups de fouet. Comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet. Surat An-Nur, traduction du verset 4. Et ceci, écoutez, c'est pour ça qu'on parle de ça ici, et ceci à l'exception du mari. Écoutez bien la situation ici. Ceci à l'exception du mari qui accuse sa femme d'adultère. Donc, il y a un umum, il y a ce qu'on appelle un istithna. D'accord ? Il est sorti de cette généralité, qui le mari. D'accord ? Il se doit aussi de prouver cela en fournissant 4 témoins. S'il n'a pas 4 témoins, il éloigne de lui la peine de fausse accusation en jurant 4 fois. 4 fois qu'il est véridique dans son accusation d'adultère. Et la 5e fois, il se maudit lui-même s'il fait partie des menteurs. Il demande l'a'n, ou al-tard ou al-ib'ad. Et cela, car l'homme, s'il voit la turpitude commise par son épouse, il ne peut pas se taire, comme on va le voir dans le hadith, inshallah. Comme s'il voyait cela commis par une étrangère, car ceci est une honte pour lui, et un affront, et une atteinte à son honneur. Ne va accuser sa femme d'adultère que celui qui est certain. Car il ne le fait que pour une grande... par une grande jalousie, car la honte est sur eux deux. Et ceci renforce sur Bessamdi la validité de son accusation. Comment ça se passe? Comme on a dit, il jure 4 fois. D'accord? En premier, comme sur Bessamdi dans ce chapitre-là justement. 4 fois. Et la 5e fois, il invoque sur lui l'ana, qui fait partie des menteurs. Après, c'est la femme. 4 fois, elle jure. Et que son mari est du nombre des menteurs. Et la 5e fois, elle invoque contre elle-même la colère d'Allah, le ghadab d'Allah. Et Cheikh Al-Bassem, il dit que le ghadab, il est plus que l'ana. Si son mari fait partie des véridiques. Et après cela, donc, ils sont séparés. Voilà pourquoi on parle de mahram ou pas mahram ici. Ils sont séparés. Et ils ne peuvent plus être réunis à jamais, c'est fini. Qu'Allah nous en préserve, ikhwan. Même après d'autres mariages, même si elle a un autre mariage, c'est fini, il ne peut plus jamais être réuni. La femme ne fait donc pas le pèlerinage avec son la'in. Et comme on va le voir, ils ne peuvent même pas se regarder, ils ne peuvent même pas se retrouver en khalwa l'un avec l'autre. À jamais. Une fois qu'il y a eu le li'an. Je voulais le hadith de Sahih Muslim. Yani Ibn Umar radiallahu anhum, qala sa'ala fulan faqala يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك آتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذبون فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. Traduction très très approximative ici du sens général du hadith, c'est un hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhuma. Il a dit qu'un tel a demandé au messager d'Allah, vois-tu maintenant si quelqu'un d'entre nous trouve sa femme en train de faire le fahisha? Il voit sa femme dans la situation de fahisha. Qu'est-ce que doit-il faire? S'il parle, il parle de quelque chose d'immense, de grand. Et s'il se tait, il se tait sur quelque chose de grand, d'immense aussi. Et le prophète sallam n'a pas répondu. Après cela, il est venu à lui. Il a dit, ce sur quoi j'étais questionné, j'ai été éprouvé avec ça. Wal'a'adhu billah. Hein? Et Allah Azza wa Jalla a donc révélé les versets de Sourate An-Nur. Hein? Pour ceux les frères qui veulent voir, allez regarder les premiers versets, en tout cas la première page de Sourate An-Nur. Fatalahunna alayh. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité les versets sur lui. Wa wa'adahu, il lui a fait le rappel. Wa dhakkarahu. Hein? Wa akhbarahu, il a affirmé que l'adab de dunya, il est moindre que l'adab de l'akhira. Et il a dit là, non, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, par celui, par Allah, il jure par Allah, par hein, celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai pas menti sur elle. Et il a appelé la femme après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a fait le rappel également. Elle a dit non, par celui avec lequel il est envoyé avec la vérité, il a certes menti. Et il a commencé donc par l'homme. Quatre shahadat billah. Hein? Et après, il l'a fait avec la femme. Et après, il a séparé entre eux. Il les a séparés. D'accord? Shir continue, il dit, c'est pour ça qu'on a parlé de tout ça ici. فَلَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ مَعَ مَنْ لَعَنَهَا وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ لِأَنَّ السَّبَبَ غَيْرُ مُبَاحٍ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ لَكِنْ لَا تَحِلُّ بَيْنَهُمَا الْخَلْوَةُ وَلَا النَّظَرُ وَإِنَّمَا هَذِهِ عُقُوبَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هَدَانَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ وَإِيَّاكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يتساهلون بفتحج المرأة مع رفقة فيها ابن عمها وابن خالتها بحجة أن هؤلاء كل واحد معه زوجه أو محرمه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم والحديث متفق عليه. Donc, qu'est-ce que le cheikh dit ici? C'est pour ça qu'il a parlé ça, parce qu'on discute du point du mahram. Regardez le cheikh comment il est précis, jazallah khairan. La femme ne fait donc pas le pèlerinage avec ce qu'on a fait, celui qui a fait le mula'ana avec elle. D'accord? Même si, hein, en réalité, elle lui est définitivement interdit. Car cette raison n'est pas autorisée. Donc, c'est pour ça que le cheikh, au tout début, qu'est-ce qu'il a dit? Par un sabab, quoi? Mubah. Licite, elle lui est interdite à jamais, mais ils ne peuvent pas se retrouver seuls, ce qu'on appelle en quoi en khalwa. Et ils ne peuvent pas se regarder. Ceci est un châtiment légiféré. Et beaucoup de musulmans, qu'Allah nous guide et les guide, sont laxistes. Et la femme effectue son pèlerinage avec un groupe dans lequel il y a le fils de son oncle paternel, c'est-à-dire quoi, son cousin. Hein? Et le fils de sa tante maternelle, son cousin également. En utilisant l'argument qu'ils sont chacun en compagnie de leur épouse. Le cheikh cite un hadith, le messager d'Allah a dit, il est illicite à toute femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sans mahram. Rapporté par Al-Bukhari, c'est une traduction approximative du hadith, numéro 1088 et Muslim 3257. On termine là-dessus. Wallahu alam, wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.